j'ai le bâton magique. Et toutes les nègres me nomment le magicien. Le genre à gratter la kiss, faire de bise avec Alicia. Je me présente Paul Kerry, tu viens déclarer ça la caïdéa. T'emmener au paradis comme Vanessa. Il me faut une go du showbiz qui hypnotise un striptease de Pink ou bien de Britney Spears. Les big things, chin chin dans une grosse barre. Une ferma c'est mon corps baraque par Aurélie de la Stack. À l'aise avec Ophelai dans sa Mercedes. Pendant que Pearl me traque en secret, m'envoie des SMS. Me taper Gillo dans sa limo. M'ambiancer avec son tas à bas de 200 kilos. Hey yo, il me faut une go du showbiz que je la fasse baliser. Coup de pied, sauter sur Jérémy, je suis réalisé. C'est vrai que j'ai peut-être moins de buzz et moins de fake. L'ego du star system, venez goûter au gars de la street. Genre un pied dans la plage, drague Beyoncé. Direct t'as dit à Jay-Z, oh baby, je veux divorcer. Et puis je la trompe avec Ashanti, Jif, Jaro, Lady Alumidi, d'arrêter de chanter. Le béninois PIMP, c'est elle-même qu'ils disent. La classe de Digger, les pecs de LL. Ni violent ni insolent, j'étais busy au moment où j'ai zappé, zappé Sonia Roland. Hey, Jada voulait qu'on soit plus qu'amis, je lui ai dit, ça se fait pas, je t'en prie, ne plaque pas Will. Je voulais ouvrir la fleur de Britney. Je m'en veux grave d'avoir fait fumer le shit à Whitney, yeah. Venez chercher la banlieue Zara Emotion. J'aimerais savoir si la marie fait vraiment la cochonne. Show business, mais laissez rentrer la street. J'arrive non accompagné, j'ai le magic stick. J'arrive dans le show mec, mets mon nom sur la liste. Oh, qu'un est plus strong, hey, j'arrive avec ma clique. Renoir et Rebeu non accompagné. On va rentrer dans ta boîte, ressortir bien accompagné. Pourquoi tu flippes go, pourquoi tu flippes demoiselle. Mes gars sont bien élevés, je te les présenterai moi-même donc. Si t'es une meuf du showbiz, je paye ma tease. Fais-moi la bise, on tease, après on fait du bise, oh.